neige, tout ça. Encore, quand je suis des mamelles, troisième, quatrième, jusqu'à quand? C'est le prochain an, c'est pas. Je ne vais pas faire ça jusqu'à 40 ans, c'est sûr. C'est sûr? En plus, parce que moi, je fais ça en philosophie, et c'est pas non plus une interprète, une interprète. C'est pour ça aussi, il y a d'autres difficultés que je retrouve. Voilà, besoin, il faut relativiser aussi en fonction finalement, des conditions dans lesquelles on se trouve en termes de stabilité quand on fait un post-doctorat. Parce que là, tu te dis, si j'avais déjà ce post-doctorat. J'ai l'impression que c'est la même chose que je me dis aussi, c'est pour ça que je suis là. On va devenir saumon où on l'est déjà, comment éviter la peau de l'ours, comment éviter la ligne du pêcheur et comment arriver voilà, à un financement. Je suis contractée, c'est pour moi aussi. Je voulais dire aussi un truc, après, le statut de demandeur d'emploi indemnisé n'est pas le même en Belgique qu'en France. Je crois qu'en Belgique, il était plus favorable jusqu'au bout d'un peu. En France, pour le fait d'obtenir une allocation de chômage, ça me permet d'avoir une visibilité pour financer ma fin de thèse. Et c'est vrai qu'avoir un financement, même si j'avais versé mon doctorat dans le cadre d'un financement, il y a aussi après les contraintes on va dire académiques qui font que déontologiquement ou scientifiquement, certains directeurs pour moi en l'éducation humaine ne permettent pas qu'on soit salarié par une structure sur laquelle on travaille. Donc c'est vrai qu'après, ça peut aussi faire plonger dans la précarité, pas forcément complètement, mais après, il faut trouver des solutions. Alors ça peut être des emplois précaires, mais le fait d'avoir du chômage, ça amène une certaine durabilité de. Parce que quand on est uniquement dépendant des emplois précaires, ça devient assez compliqué. Et même maintenant, il y a un décret qui reconnaît la dispense de droits d'inscription pour les demandeurs d'emploi, mais non indemnisés en 2013. Donc ça veut dire qu'en théorie, on ne peut pas être étudiant et demandeur d'emploi, mais ça commence à devenir paradoxal. Donc il y a effectivement, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, c'est vrai qu'avoir un financement, même s'il est finalement fait d'allocation de chômage, ça amène, ça rassure, même si ça ne devient pas. Oui. Moi, je suis post-doctorant. J'ai fini ma thèse. Oui. Et ce que je ressens, non, c'est justement cette fait qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on aimerait faire dans le marché du travail. Et quand on retourne un peu, quand on vous dit peut-être on quitte un peu la recherche, on place son CV quelque part et on se rend compte qu'on ne maîtrise même pas de quoi on parle. Après, on est venu. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez dit, on reste quand même dans la recherche. Parce que pendant ma recherche, j'ai essayé de faire des publications. Mais en temps donné, quand on se rend compte qu'on n'est plus vraiment attaché dans un laboratoire, par exemple, on n'a pas de possibilité de faire une mobilité parce qu'on est en train de. C'est l'Afrique, et clairement, on ne sait pas quoi faire. Donc, on ne peut plus continuer dans la recherche parce qu'on ne peut plus faire de publications, et j'ai l'impression que je ne progresse pas en tant que chercheur. Je me suis arrêtée un peu, alors que j'aimerais être dynamique en tant que chercheur, et peut-être au fur et à mesure, si on ne trouve pas quoi faire, est-ce qu'on ne devient pas un peu obsolète? J'ai une thèse, moi, de jeune, quand même, c'est la question. J'ai une proposition de réponse. Moi, je pense, moi, je suis un peu critique, j'adore la recherche, j'aime beaucoup la thèse, je suis en thèse en quatrième année. Et je trouve que c'est passionnant, mais en même temps, les pressions qu'on subit pour publier, etc., ça fait qu'on est des machines à publier. Alors, on a des normes à respecter, même si le fond de l'article n'est pas extraordinaire. Ça, c'est dans les pays développés, donc en Europe, aux États-Unis, etc. Par contre, il y a d'autres, moi je trouve, il y a d'autres marchés, entre guillemets, qui ne sont pas aussi saturés, où ta recherche, par exemple, ou nos recherches, elles seront beaucoup plus valorisées et elles seront surtout utiles. Parce que si on reste 4-5 ans à faire une thèse et qu'à la fin on est chez soi, on n'est pas valorisé, moi je trouve c'est dommage de ne pas être conscient en fait qu'on peut être utile ailleurs et que notre recherche peut être utile ailleurs. Même si après, ça demande bien sûr voilà, c'est des décisions personnelles qui ont du poids sur la vie d'après. Mais je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de faire semblant de faire de la recherche, en fait. Et il faut essayer d'être le plus utile possible à la communauté, aux sociétés dans lesquelles on vit. Et la recherche, c'est pas utile. Ben, elle est utile, mais quand on est dans des pays où c'est tellement saturé, parce que moi, je suis un peu révoltée lorsque je vois qu'on est tous, je suis certaine qu'on est tous de très, très bons... candidat pour les postes dont on rêve, mais il n'y a pas de besoin. Ben moi, je ne suis pas persuadée qu'on soit tous de très très bons candidats pour les postes dont on rêve, mais par contre, la sauvagerie actuelle et qui déborde le champ social, économique, de la recherche, fait que c'est un chaos innommable. Et la Belgique, par exemple, la chance qu'elle a à l'heure actuelle par rapport à nous, c'est qu'il y a une sélection des candidats à la thèse qui est bien plus drastique. Et c'est là où ils se sauvent encore un peu dans la corporation du milieu de la recherche. Après, le reste, j'en sais rien. Je suis quand même pas très sur cette question-là. Moi, j'ai une question. Quand tu dis être utile, qu'est-ce que tu entends par là ? Que la thèse, en fait, soit utile. Que la thèse ait des impacts. Après, je ne sais pas, ça dépend des champs de. Voilà, le choix du sujet. Le sujet, par exemple. Voilà, brillante soit-elle, hein, la thèse. Moi, je suis en sciences de gestion, et là aussi, c'est pas des. Il faut avoir choisi un thème. Je suis certaine que tous les thèmes sont intéressants, mais ça dépend du besoin auquel on répond à travers cette recherche-là. Mais tout le monde ne fait pas une thèse pour répondre à un besoin. Non. Mais je vais pas ici, on est là à discuter. Une question un peu aussi comme le consultant. Mais c'est vrai, en Belgique, il y a même des débats. Un, c'est que quand on a fait une thèse, il faut quand même pouvoir avoir une conscience vieille. C'est-à-dire qu'au-delà de la spécificité ou de l'objet qu'on a étudié, et qui peut avoir des degrés d'utilité variables, ce qu'on a démontré en faisant la thèse, c'est tout ce qui est, semble-t-il, en gestion, valorisé, on est flexible, on est autonome, on est créatif, on sait monter un projet, le suivre jusqu'au bout, donc on est tenace, on est quand même à un certain niveau d'intelligence, en tout cas... une certaine rigueur, on sait écrire, on sait communiquer, on a une expérience internationale, etc., etc. Si, quand même, ce sont des éléments qui, je pense, vis-à-vis de l'extérieur, peuvent être aussi extrêmement valorisables, au-delà même de la question utile ou pas utile de la thèse. Donc là, il faut quand même se dire, espérons que quand vous êtes arrivé en bout de thèse, vous dites, ouais, j'ai fait quelque chose, qui montre quand même que je suis passé par un processus qui certifie des qualités. Ça, je pense que le plus important, c'est ça, c'est de ne pas avoir vu. Donc, les choix qu'on a fait, que ça ait été utile et que ce soit quelque chose où, justement, ce que vous disiez, où se sont nuls, ben non. Il y a forcément quelque chose qu'on ne pas arrivé à faire. Je n'ai pas étudié les autres que j'ai bouchées. On commence à travailler sur ce qu'on appelle les movers ou les leavers. Ceux qui sortent soit de la carrière scientifique académique, soit vont faire leur vie scientifique académique ailleurs. Je pense que c'est... Après, c'est tout, vas-y, continue. Donc je n'ai pas étudié la question des débouchés en Belgique, mais je crois que c'est un peu différent en France, parce que le taux de chômage des docteurs en France, me semble-t-il, en tout cas la première année, est assez élevé. En 10% en 3 ans. 10%. C'est 5 pour les Master 2, c'est 10 pour les docteurs. Non, mais ça veut rien dire, il ne faut pas calculer comme ça. Les taux de chômage ne sont pas des taux à l'instant T, ce sont des parcours de chômage, en fait, qui les... Très commun pour quelqu'un qui finit sa thèse de ne pas avoir un poste tout de suite. Donc si on demande au sortir de la thèse, étiez-vous au chômage, Oui, 90% vont dire oui parce qu'ils n'enchaînent pas tout de suite avec, avec un postdoc. Donc, mais bon, le rapport entre la thèse et le chômage, toute une histoire, une autre histoire. Mais ce que je trouve intéressant, évidemment, mais pour pouvoir penser la reconversion, il faut être dans un processus de distanciation. La question que je me pose, c'est où trouvez-vous votre énergie pour pouvoir continuer ce que vous faites? Dans quoi c'est? Vas-y. Oui, une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est les effets potentiels de tout ça, et vous l'avez un peu dit à la fin et avant ici, sur la façon de faire de la recherche, c'est-à-dire publier pour publier, quel que soit ce que je publie en caricaturant, et en me voilant la face sur la qualité ou la non-qualité de ce que je publie. Est-ce que dans vos entités, des gens évoquent ça, vous avez des choses qui reviennent, ou en fin de compte, c'est pas si central que ça dans les derniers questionnements de recherche? Ok. Tu pourrais en parler. J'ai une autre question qui est dans de celle de Vincent, c'est la critique en gros des candidats au poste. Est-ce que les candidats au poste sont critiques par rapport au... Oui. Notamment en partie. Et une des critiques aussi qui revient, dont tu n'as pas beaucoup parlé dans ta présentation, c'est ce que Merton appelle les tests matures, on pré-corrige. Et par exemple, pour pouvoir obtenir un post-doctorat, il faut souvent avoir déjà fait un post-doctorat. Et qui crée chez les candidats au post-doctorat qui n'ont pas encore eu de post-doctorat une espèce de situation de dingue qui signifie je n'aurai jamais de poste parce que pour avoir un poste il faut déjà avoir une autre. Une espèce de système absurde comme ça qui est très pénible et très coûteux subjectivement et qui revient dans les entretiens en fait que tu as dit à ce sujet. L'effet Saint-Mathieu, on n'est pas de corrige. Plus on est, plus on reçoit, plus on publie, plus on va pouvoir publier, plus on a un peu d'hommes, plus on aura beaucoup. Enfin, bref, une grande difficulté, c'est de critiquer. Tu simplifies, Merton, il y a au moins 6 ou 7 cas de déclinaison de l'effet Saint-Mathieu, il n'y a pas que celui-là. Il y a l'effet d'aura, il y a l'effet de réputation, il y a plein d'effets. Il y a l'effet Mathilda aussi, qui est l'écartement systématique des femmes des carrières, etc. Mais ça, c'est pas Merton, donc, hein. Y a pas de... Non, mais dans l'article original de Merton, il y a 6 ou 7 déclinaisons de l'effet Saint-Mathieu, et il n'y a pas que l'effet de corrige. Enfin, voilà. C'est un des effets. Il y a d'autres effets, les effets de réputation, les effets d'accolement, par exemple, si on est avec un promoteur qui a une certaine réputation, on bénéficie de sa réputation, par exemple. Donc, voilà. Oui, c'est... Évidemment, et en France en particulier, il est ressenti plus. Ce qui est extrêmement fort, c'est d'où vous venez dans votre parcours aussi scolaire, dans quelle institution vous êtes, quel est votre directeur, sa notoriété, etc. Oui, et ça joue fortement sur les possibilités justement de se dire j'ai une chance ou pas de chance. Et, peut-être que je vais aussi faire un doctorat ou un post-doctorat, c'est peut-être aussi dans le cadre d'une expatriation voulue ou subie, mais qui est peut-être plus facilement possible avec un doctorat que son doctorat. Je veux dire, par exemple, tu... C'est un marché du travail qui devient, je peux dire, mondial, mais... Ah oui. Avec un simple master. Et ça existe, c'est peu fréquent, ça, quand même. Ouais, ça se développe, hein. Oui, si c'est peu fréquent, ça peut que se développer, mais c'est que ça reste peu fréquent. C'est vrai qu'il y a des gens à Bruxelles, notamment, qui viennent gérer des missions, qui estiment qu'un master n'est pas suffisant, qui serait mieux avec une thèse, parce que c'est une des rares institutions qui paye plus quand on a une thèse que quand on a un simple master, j'ai envie de dire. Et donc, ils se remettent à faire des thèses alors qu'ils sont déjà attachés, ce genre de choses. Mais c'est très, très marché. Peugeot et SAD, les responsables des départements de la recherche, maintenant, on propose de faire des thèses en formation continue, en 6 ans. Ils sont un jour par semaine en thèse à Paris 6. Non, mais, en effet, je parle du processus de Bologne, mais on est dans une reconfiguration extrêmement forte dont certains proclament la reconnaissance du niveau doctoral à travers la validation des acquis d'expérience. Il y a d'autres transformations, donc il y a différentes modalités de thèse, il y a des thèses aussi sur articles. Donc vous publiez 3 articles, vous faites une introduction, une conclusion. Ce n'est pas le même processus, je dirais, intellectuel de formation à la recherche que de faire une monographie complète. Et ce qui est généralement utilisé d'ailleurs par les institutions pour pousser à se positionner dans les rankings en ayant les gens qui font leur doctorat, en ayant déjà publié. Bon, bref, ce n'est pas nécessairement pour l'intérêt de la science et de la formation intellectuelle. J'avais une question, puisque vous êtes intéressé finalement à la... Enfin, au post-doctorant, puisqu'en introduction vous nous disiez que le doctorat est une formation par la recherche, finalement, je pense qu'on peut même dire un rite initiatique, mais du coup, qu'est-ce qu'ils en retirent maintenant les personnes qui ont eu un poste de chargé de cours ou l'équivalent en Belgique? Qu'est-ce qu'ils en retirent finalement de cette initiation? Comment ils ont pu vivre cette expérience, pas seulement pile un mois après, mais quelques années après. Moi, j'ai l'impression, mais que donc pas chargé de cours, hein, chargé de recherche. De recherche. Oui. C'est pas tellement vécu comme un rite initiatique. Me semble-t-il que c'est pas quelque chose. Une initiation, oui, mais pas comme un rite initiatique. Et que c'est surtout le processus d'être appelé à habiter. Et à un moment donné, de se dire, on a pris goût finalement à la recherche. On a pris goût à cette façon de travailler. Et ça nous paraît finalement notre horizon logique, notre horizon normal. D'où toute la crainte par rapport à l'extérieur. Parce qu'on connaît ce monde-là, on s'y est socialisé, on a trouvé ses repères, on y trouve des gratifications. Plus que, je dis, je suis passé par un rite. Je crois que dans le temps, c'était cette perspective. Le doctorat était ce rite initiatique à travers un processus mandarinal dans lequel, finalement, on cooptait. On était dans la nomination et pas dans la concurrence. Aujourd'hui, on est dans un double processus. On met en concurrence et puis on nomme. Mais probablement, qu'antérieurement, on était plus dans un processus de nomination, c'est-à-dire la personne était vue dans son ensemble, elle avait passé le rite initiatique, et elle pouvait être cooptée dans le corps académique. Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait ce type de représentation à travers le processus doctoral. Mais qu'il y ait... c'est plus cette question d'être pris par la recherche, de Et qu'est-ce qu'on en retire en bout de course? J'ai l'impression, mais je regarde Pascal parce qu'il y a une satisfaction. Ça va mieux après, c'est sûr. De? La thèse, ça va mieux après, c'est comme l'appendicite. Hein. C'est bien quand c'est fini. Oui, mais lorsqu'on est dans la perspective de l'après-thèse, de poursuivre. Donc si on fait la thèse et qu'on la défend, on se dit on va la valoriser ailleurs. Déjà, on sait que la thèse va être un moment, j'ai pris mon pied en la faisant, je la termine, je suis content, mais je ne vise pas nécessairement de poursuivre. Le problème, c'est que quand on défend la thèse et qu'on est pris dans la perspective de poursuivre la carrière scientifique ou académique, la satisfaction est de courte durée. Parce que d'emblée, on est enclenché sur un nouveau processus de production, de valorisation. On est dans la bourse des scientifiques et sa valeur de bourse peut bouger très vite. Et on ne peut pas lâcher prise. Vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est le... aussi bien pour moi que pour d'autres, c'est le côté complètement... position scolastique, comme a dit quelqu'un, de la plupart des chercheurs, enfin un peu des gens qui sont en sciences sociales, étudiants de niveau plus ou moins avançant. Mais comment peut-on se poser la question d'un métier sans se poser la question de sa rentabilité économique, par définition? Évidemment, l'État, c'est une forme d'économie différente, on fait des choix politiques, on prélève de l'argent sur la société pour financer une recherche scientifique. Mais qui dit que la science ne doit avoir lieu que dans l'institution université ou être financée que par elle? Ça peut être recherché, ça peut être financé par des instituts totalement privés, même des universités privées qui se développent beaucoup en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'on baigne dans l'illusion, ou du moins, on nous a fait baigner dans l'illusion à travers notre éducation, qu'on est dans un grand élan comme ça de recherche, c'est un métier très noble, etc. Mais non, il faut, comme tous ceux qui sont en poste ou qui essaient d'être en poste, le savent, ben voilà, c'est... Il y a une réalité concrète qui est que c'est de... Enfin, faut négocier les contingences. Et l'idéal, c'est que le truc qui nous guide et qui nous permet de rester, de continuer les études malgré le manque de nomination, et d'essayer encore et encore. Mais, je sais pas, enfin, la science académique, la science financée sur fonds publics par les universités, toutes les positions de recherche et les positions même de professeurs, enfin, c'est, ça n'a rien de nécessaire. Quoi. Enfin, c'est un accident de l'histoire que ça a été comme ça. Là, on va à une tendance où de la marchandisation, mais la marchandisation, elle n'a rien de nécessaire non plus. Mais derrière, c'est une mobilisation politique. Et est-ce qu'on accepte une répartition des richesses telle que le propose le marché, ou est-ce qu'on accepte une répartition un peu d'une économie d'État, avec plus administrative cette fois-ci, avec voilà, mise en concurrence, et puis avec tous les effets de cooptation qu'il y a quand même derrière, il ne faut pas se leurrer. Oui, il y a des restes de planification. Je crois qu'en Belgique, il y a un nombre déterminé de chercheurs qualifiés, c'est ça ? 400. Ouais, 400, et donc il faut attendre. En gros, ça revient à dire qu'il faut qu'il y en ait un qui quitte pour qu'il y en ait un nouveau qui prenne la place. Mmh. Alors qu'en France, il y a des ouvertures de postes, donc c'est la logique du concours, et donc on dit cette année on ouvre X places qui ne pourront pas être les mêmes l'an prochain, en fait. Hein. Donc il y a aussi des reliquats d'économie de planification, pour le dire un peu platement, plutôt que d'économie de marché, même si quelque part, un concours c'est aussi un marché. Hein. Quand on dit il nous faut 500 profs cette année, bah, c'est le marché qui dit que démographiquement, on a besoin de 500 profs, donc on est... Je pense que ça aussi, on va conclure ici, de toute manière. C'est aussi une question en France. Hein. Moi, j'étais au CNAM, il y avait une journée sur l'insertion professionnelle des doctorants à laquelle j'étais convié vendredi dernier. Et les intervenants français et étrangers reconnaissaient une caractéristique du marché français-franco-français. Et c'est pas vrai en Belgique. Moi, j'habite depuis 5 ans en Belgique, je ne sais pas du tout la même chose. C'est le clivage public-privé qui est extrêmement fort, et ça c'est vraiment une spécificité française dont on ne se rend pas toujours compte quand on y est, quand on baigne dedans, en fait. Et c'est valable pour l'université, en fait. Hein. Ici, les chercheurs du CNRS sont fonctionnaires, etc., alors qu'il y a plein d'institutions mixtes, tous les instituts, par exemple, l'INSERM, enfin, toutes ces choses-là, les groupements d'intérêt scientifique sont financés aussi par le privé, et puis ça correspond aussi aux objectifs de Bologne, de consacrer, je ne sais plus, c'est 5% du PIB, qui devrait plus ou moins être... 3%, oui, qui devrait être comblé par le privé, puisque l'État, de toute manière, se désengage au profit donc du privé et des organisations intergouvernementales comme l'Union européenne, notamment. Donc c'est une marche aussi inéluctable vers la privatisation. Inéluctable, je ne sais pas. Mais en tout cas, très structurelle, quoi. Je vois ici autour de la table une chose qui m'avait frappé dans l'expérience, c'est que, contrairement à ce que tu évoquais, l'illusion de Bourdieu, où finalement il n'est pas lisible. En revanche, je pense qu'il y a des illusions au sens où on a l'impression, on a le sentiment que ça vaut la peine d'être joué, mais plutôt dans un état de conscience. Et extrêmement critique. Mais ça n'empêche que ça vaut la peine d'être joué. Et ça, je trouve assez extraordinaire ce que permet finalement encore. Peut-être que ça vient de conception, mais l'université et la conception publique de la science, de faire en sorte que, même en étant critique, on ait en conscience des règles du jeu, de où peut-être je me situe, même des avantages, etc. Le jeu en vaut la peine d'être joué. Belle conclusion. Merci Bernard. Tout le monde devrait vraiment remplir ce cahier pour montrer qu'on a besoin de ça. Ça, c'est super important. Il y a d'autres questions ? Et n'oubliez pas, dans la prochaine séance, le 23 janvier, inscrivez-vous sur la mini-list pour éviter d'attendre dehors. Et puis le contrat sur malade, si quelqu'un veut préparer une recension d'un ouvrage, un manuel sur le doctorat, on pourra discuter la prochaine fois avec son auteur. Voilà. Ok. Donc on va s'arranger. On va juste libérer la salle de la liste. C'est possible. Oui. Ouais. Ok.